Les bas-fonds de Paris, tome 1, première partie, chapitre 2, au parc Monceau. La demeure de Suzanne d'Amour était bien le palais d'une reine de la mode, un véritable rêve, quelque chose d'inouï et de fabuleux, un enchantement des mille et une nuits, réalisé, cristallisé par la magie créatrice d'un jeune artiste d'avenir, l'architecte Jean Robin, récemment parti pour le Nouveau Monde, à la conquête de cette décevante toison d'or que lui refusait l'insoucieux Paris, si souvent aveugle aux géniales aurores. Pauvre Jean Robin, cet hôtel féerique, ce joyau de pierre, de bronze et de marbre, ce pur chef-d'œuvre, l'avait tout simplement ruiné pour prix de ses peines. C'était l'époque bénie des escrocs, des parasites, des usuriers et des faiseurs, où certains fils de riches manufacturiers, tôt émancipés, jonglait d'une main légère avec des millions dont le poids devait enfin l'écraser, le broyer, l'anéantir sous leur masse infernale. Jean Robin, fraîchement sorti des Beaux-Arts et de retour de Rome, avait décroché la commande, mise au concours par le petit manufacturier, en passe de construire un temple à sa déesse, la célèbre Suzanne d'Amour, dont le beau corps nu sous un léger maillot rose triomphait tous les soirs sur la scène des Folies Bergères et hypnotisait Paris jusqu'à la démence. Le jeune et richissime godailleur avait mis son architecte en relation avec son banquier habituel, le père Bonnaire, un homme tout rond, qui vous roulait comme un cerceau d'enfant, sans méchanceté aucune, et là, en cinq secs, jovialement, « Enlevez mon bon, c'est pesé !» Or, le petit monsieur au million s'étant suicidé tout bêtement, l'hôtel construit par Jean Robin redevint, par un joli tour de passe-passe, plus ou moins légal, la propriété de Maître Bonnaire, qui eut du moins la générosité de ne point expulser l'infortunée Suzanne et son joli paradis d'amour. Il se borna à le lui louer à l'année pour la bagatelle de 150 000 francs. Quant à l'honnête Jean Robin, il ne comprit à toutes ces chinoiseries que trois choses. Premièrement, il était volé. Deuxièmement, il ne toucherait jamais un sou d'honoraire. Troisièmement, son patrimoine était englouti et il avait travaillé pour la gloire, dont le trésorier est hélas Sa Majesté le Roi de Prusse. Conclusion pratique et désespérée, l'Amérique. Les bons confrères de Robin saluèrent son départ avec le traditionnel « Décidément, ce garçon n'avait rien dans le ventre ». Inutile d'ajouter que le brave Bonnaire, lui, resta à Paris, de plus en plus recherché, et considéré comme un homme très fort, tant il est vrai qu'ici-bas, le succès arrange, explique, excuse et couronne tout, même le crime. Suzanne d'Amour s'était consolée de son veuvage de la main gauche, avec un roi nègre d'abord, pour porter le deuil, disait-elle. Puis le monarque exotique repartit dans ses états, elle s'était offert un prince russe, cela pour suivre le goût du jour. Enfin, tous les esclaves, du high life et de la fashion, avaient courbé les chines et vidé leurs poches aux pieds mignons de la reine de Paris. Son passé, assez obscur, était celui de toutes les filles, avec des hauts et des bas, un tas de culbutes dans le ruisseau ou dans la soie. Comme origine, on lui donnait le port de Toulon, d'où le père Bonnaire, à la fois crapuleux et économe, l'avait, disait-on, ramené à Paris en troisième classe et lancé dans le meilleur monde, ce qui était bien. Ce matin-là, jour de Noël, madame avait donné l'ordre à Fanny, sa camériste, qu'on la laissât dormir tout son sou une bonne fois. C'était fait pour tout le monde, n'est-ce pas? Et elle entendait cuver son réveillon à sa guise. « On n'est pas des bœufs ni des voitures à bras !» avait déclaré sa gracieuse majesté. « Enfin seule !» Et elle goûtait, elle savourait une heure de rare et doux farniente, de repos et d'isolement dans un tourbillon de sa vie tuante et crevante de mangeuse d'hommes. Ce ne fut qu'un éclair. Tout à coup, le frappé discret, léger et rythmique de Fanny, la troubla désagréablement dans son oasis de duvet, de velours et de parfums. Elle étira paresseusement ses bras marmoréens estompés d'or, puis d'un violent sursaut, elle redressa son buste glorieux, secoua sa crinière fauve aux rayons de soleil, découvrant l'admirable blancheur de sa peau de rousse ardente, Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il donc? Madame, il est 11 heures. 11 heures? Oh bien, qu'on me fiche la paix, par exemple. Et Suzanne se replongea rageusement dans son nid de grande amoureuse tout armoriée, couche royale, naturellement, qui dominait la chambre tendue de brocart comme un trône d'impératrice, somptueux hommage de la bêtise à la beauté. Mais Fanny insista. Ces messieurs et des amis de madame sont dans le jardin d'hiver, dans les salons, au fumoir, ici, là-haut, en bas, partout. Ils se sont donné rendez-vous, une surprise qu'ils vous ménagent. Toutes les cheminées sont remplies de cadeaux. Ils se sont invités à déjeuner, ils ont apporté des victuailles pour 8 jours. Qu'ils aillent donc se faire l'enlaire, c'est pour ça que tu me réveilles. Il y a aussi la lingère qui ne veut plus rien entendre. C'est une voleuse, jette-la dehors, je l'ai assez vue. Le papier timbré va pleuvoir et cela nuira encore à madame. Eh bien, donne-lui ce chèque-là et laisse-moi dormir. Tu vois bien que je suis vannée. Ce n'est plus une existence, la nuit, le jour, tout le temps. Zut, on n'est pas de fer. Et la toute-puissante reine de Paris ramena les couvertures brodées sur ses oreilles pour ne plus rien savoir. Mais le droit au sommeil lui était interdit. Monsieur Bonnaire est là, fit simplement Fanny. Ce fut électrique. Suzanne d'Amour bondit hors de son lit, charmante et superbe dans le désordre imprévu, le fouillis, le chiffonné troublant de son ravissant déshabillé de fine dentelle. Bonheur? S'exclama-t-elle en se frottant les yeux. Pas possible! Un jour de Noël? Il ferait mieux de rester dans sa famille, espèce de calmant vieux rhinocéros, vieux dromadaire, sale mufle, va! Tout en bougonnant et pleurant presque de dépit, elle avait revêtu un discret peignoir de gaze qui la moulait et la révélait à ravir. Qu'il monte, dit-elle résignée. Avec janvier, ça va faire 2 termes. Quelle scie! Non, reprit Fanny, monsieur Bonnaire a dit qu'il avait à parler sérieusement à madame et qu'il l'attendrait dans le grand salon vert. C'est bon? Il se garde à carreau? Mais j'ai mon idée s'il m'embête. D'abord, je vais lui prouver que je ne suis pas à sa merci, en le faisant poser. Va lui dire que je prends mon bain au lait de Vénus d'abord et mon tub à l'essence de rose après. Ça le fera enrager, le gros porc. Ah, il veut rester dans le salon vert. Eh bien, qu'il y reste et qu'il y reverdisse. Madame a peut-être tort, blâma Fanny en femme positive. Mais au fait, ça regarde madame seule. Taratata, fit Suzanne. Va, ma fille, et laisse faire. On rira. Peut-être pas les derniers. Et la femme de chambre, sèche et maigre, quoique jeune encore, sortit en maugréant cette dernière protestation. Suzanne avait sonné son bain, et ses filles de service, ses masseuses étaient accourues. Il lui fallait toujours 10 personnes autour d'elle pour la servir, et elle n'était jamais contente. La salle d'hydrothérapie, en marbre précieux, était une merveille du genre. La baignoire et tous les appareils étaient en vermeil, admirablement ciselés. L'électricité répandait sa lumière à flots. Des glaces de Venise, préservées de la buée, reflétaient de toutes parts la sculpturale beauté de la Vénus parisienne. Elle prit son temps, s'admira, puis pour achever d'exaspérer l'attente de Bonnaire, elle passa dans son cabinet de toilette en laque blanche et se livra au coiffeur, au pédicure, voire au manucure tout à la fois, ce qui l'excitait, la réveillait agréablement après la bienfaisante léthargie du massage et des ablutions odorantes. Fanny était revenue, affairée et soucieuse. Ça va mal dans le salon vert, nargua Suzanne. S'il pouvait seulement claquer d'une attaque d'apoplexie, quel débarras! La camériste garda un silence hostile et présenta à sa maîtresse une vaporeuse matinée en mousseline et dentelle qu'elle l'aida à revêtir. Suzanne rentra alors dans sa chambre à coucher, prit sur son chiffonnier un mince papier qu'elle froissa fébrilement, et quelque peu inquiète de son coup d'audace, elle descendit au salon vert. Le gros banquier, rouge et furibond sous son faux air de bonhomie, se promenait de long en large, les mains derrière le dos. Ah! Vous voilà enfin, grogna-t-il. Ce n'est pas trop tôt. Dame, monsieur l'ours, je prenais mon tub. Je ne pouvais pourtant pas descendre toute nue, d'autant plus que je vous fais peur. Il ne s'agit pas de bêtises, causons de nos affaires. Vous vous moquez de moi, c'est entendu? Eh bien, si vous ne me payez pas aujourd'hui, demain, l'huissier sera chez vous. On vendra tout et on vous flanquera à la porte. C'est clair, ça, hein ? Peste, monsieur Bonnaire, persifla Suzanne. Vous voulez détrôner la reine de Paris ? Le banquier haussa lourdement les épaules et donna cours à toute sa grossièreté naturelle. Des reines comme vous, lâcha-t-il, on enlève pour 100 sous à Toulon et ailleurs. Goujat, malotru, fit l'ancienne marcheuse à la thune, fille à 5 francs, blême et les dents serrées. Et après une pause, elle lui demanda glacial. Vous avez votre quittance d'octobre, monsieur Bonnaire ? Oui, et même celle de janvier, si vous la voulez. Certainement. Cela m'évitera votre visite. Je vais vous régler. 75 000 francs, dit Bonnaire ahuri. Voici un chèque de cette somme sur la Banque de France. Allons, donnant. Abasourdi, roulant de gros yeux, il tendit les reçus et prit le papier. Encore faudrait-il s'assurer de la signature, marmonna-t-il. Oh, elle est bonne, bien bonne même. Voyez plutôt. Et sûre de l'effet, elle empocha vivement ses quittances et entr'ouvrit prudemment la porte du jardin d'hiver. Des acclamations bruyantes retentirent aussitôt dans le fond. « Vive Suzanne d'Amour ! Noël à la reine !»« Adieu, cher monsieur, » fit-elle, savourant sa vengeance. Bonnaire avait lu le nom, et devenu subitement écarlate, il s'était clancé furieux, menaçant. Ses poings énormes levés sur la tête de Suzanne, qui ricanait en disparaissant, insolente. Il s'arrêta net, tournoya comme un bœuf assommé, puis s'en alla à reculons. Les yeux injectés de sang et bégayant, l'écume à la bouche. Oh, gueuse, gueuse, tu veux la guerre ? Eh bien, tu l'auras. Suzanne d'Amour eut encore un long éclat de rire de défi, et s'élança dans sa véranda, ouverte sur le parc, en criant à son tour. « Noël, mes amis, Noël, Noël !» Mais Fanny, aux aguets derrière une portière, avait tout vu, tout entendu. Elle reparut méchamment, en trouble fête. « Madame sait trop bien recevoir le monde et défendre ses intérêts pour que je m'en occupe à l'avenir. »« Voyons, ma bonne Fanny, ne te fâche pas, qu'est-ce qu'il y a ?» « Il y a une femme qui veut absolument parler à madame au sujet de monsieur le comte, et puis il y a toujours la lingère qui criait tempête dans l'antichambre, on l'entend d'ici. »« Oh, celle-là !»« Attends un peu, je vais l'expédier. Et dardard !» Fanny leva les bras au ciel pour le prendre à témoin que madame les ferait mourir sur la paille, et elle suivit sa maîtresse qui, d'un mot joyeux, s'était déjà excusée auprès de sa bande copure chic. La belle Suzanne était lancée. Le comte de sa lingère, une vieille fouine plus ou moins entremetteuse, fut vite réglée. « Non mais c'est un rêve » fit-elle, criant plus fort qu'elle. « 80 000 francs pour une vingtaine de bas, 12 chemises, 6 paires de pantalons, des jarretières, 4 jupons et 2 peignoirs ?»« Et le reste ?» glapit la mégère. « Tout ça en vraie dentelle et broderie d'art. Sans compter les petits services que vous avez été bien heureuse d'accepter et qu'on ne peut pas mettre sur la note. » « Oh, je m'en bats l'œil !»« Alors, c'est-il que vous ne voulez pas me payer ?»« Ma foi, oui, c'est une idée. »« Bien. Vous verrez si je ne vous traîne pas devant les tribunaux. »« Ha, ha, ha ! Tant mieux ! Les dessous de Suzanne d'Amour. Je vois ça d'ici. Ça sera gentil. Tous les journaux vont étaler ça en première page. J'ai justement besoin de réclame. Merci, la vieille. »« Espèce de grue ! Procureuse !» La porte se referma avec violence sur la créancière exaspérée. « Chienne de vie, ça ne finira donc pas !» Et la demi-mondaine aperçut alors une jeune femme, modestement vêtue, qui se tenait au fond du vestibule, très intimidée. Elle eut un coup de folle colère. « Ah, c'est vous, la donzelle du cabaret, qui voulez me dire quelque chose sur le comte ?»« Roger de Charmeuse, oui, madame. » balbutia la visiteuse. « Bon, je vois ce que c'est !» s'exclama Suzanne d'Amour. « Une scène de jalousie à présent. Il ne manquait plus que ça. Mais vous vous adressez mal. Allez donc trouver sa légitime. Mariée ? Lui ? Mariée ? C'est impossible !» Impossible! Ricana Suzanne. Non mais d'où sortez-vous, ma petite? Ça pourtant fait un sacré potin, l'histoire de ce gentilhomme ruiné épousant la demoiselle au million. Impossible! Vous avez vu le gros bouffi qui vient de sortir? C'est Papa Bonheur en personne, l'homme à la braise, le père de la noble comtesse de Charmeuse, le banquier à la belle galette, pas très propre d'ailleurs. Le grand tombeur de la bourse, mon proprio, s'il vous plaît. Bonheur, quoi. Et savez-vous pourquoi il était comme ça, si à cran et furibard? C'est parce que je lui ai payé mon loyer avec un chèque signé Roger de Charmeuse, son gendre. Mariée? Répétait la jeune femme anéantie. Mais la grande noceuse, dont les nerfs étaient détendus, ne lui laissa pas le temps de secouer sa détresse. Elle était partie et tout heureuse du bon tour joué aux financiers. Elle allait et venait, déchiquetait une énorme gerbe de lilas blanc qui avait dû coûter 100 louis, arrachant une branche toutes les fois qu'elle passait devant la potiche en biscuit de sèvres où la délicate fleur des serres s'épanouissait, orgueilleuse et tendre. Sous les yeux hagards de la fille mère, les flocons de cette neige odorante voltigeaient, balayés par la traîne du long peignoir. C'était dans tous les coins des jonchées de pétales vite flétris dont chacun représentait un dîner de pauvres. Et le rire perla, fusa, cristallin et moqueur des lèvres sensuelles de la jolie fille remise de belle humeur. Elle continua. « Non, croyez-vous que c'est trouvé le coup du chèque? Vrai, j'ai été d'un rosse. Oh, vous pouvez être tranquille, je ne pense pas qu'il me revienne de sitôt, le beau Roger. Quel abattage, mon Dieu, maman! Vrai, je voudrais bien être dans un coin pour piger la gueule de papa beau-père. » Et dans sa joie, elle esquissa une pirouette, bousculant une exquise bergère en pur Saxe XVIIe siècle qui faisait des grâces sur une mièvre colonnette d'onyx. La bergère chancela, roula et s'abattit, décapitée. « Zut, le petit Noël de ce brave Roger !» s'exclame Suzanne en riant plus fort. « Ça ne fait rien, c'est la monnaie du bouffi qui la danse. »« Mariée ?» bégayait encore la pauvresse. La reine de Paris vint se planter devant elle. « Puisque je vous le dis, oui, là, Marida ! Tout le landerneau du boulevard en a potiné pendant 2 jours au moins. Mariée, et pour de bon, depuis 6 mois, avec la petite Bonheur. » Le beau rêve de ce pauvre Jean Robin. Et déjà, la folle Suzanne allait repartir en coup de vent. Mais elle s'arrêta net, attendrie soudain. La malheureuse, étourdie, atterrée, chancelait. Ça y est, elle va encore se trouver mal. Elle prit le bras de l'inconnu et la fit entrer dans un petit salon précédant la serre aux orchidées, un vrai coin de féerie. « Tenez, » dit-elle subitement apitoyée, les yeux humides, « asseyez-vous là, ma pauvre chatte, et racontez-moi votre histoire. D'abord, qui vous a donné mon adresse ?» Morne, la désespérée, répondit faiblement. « J'étais dans la rue cette nuit, quand vous êtes remontée en voiture, avec Roger, avec le comte de Charmeuse, » se reprit-elle amèrement. « J'ai pensé, j'ai cru... » que j'étais sa maîtresse en pied et en titre, n'est-ce pas? Ma foi, non. Et avec un beau dédain, il me paie ma blanchisseuse. Et encore. L'abandonnée s'était ressaisie. Elle se levait péniblement. Et avec un accent de poignante résignation, « Je me suis trompée, madame. Je venais vous supplier de me rendre mon fiancé, mon amant, le père de l'innocente créature qui va naître. » Adieu. Je vois que je n'ai plus rien à faire ici. » Elle eut un sourd sanglot qui fit frissonner la noceuse, devenue muette devant l'expression tragique de cette douleur. Folle, ah oui, folle que je fus, insensée d'avoir cru qu'un comte de Charmeuse pouvait donner son nom à la pauvre Valentine Clément. Elle s'en allait, aveuglée de larmes. Stupéfiée devant l'abîme de souffrance sur lequel elle venait de poser sa jolie tête vide d'oiseau, apeurée, rencoignée dans le capitonnage moelleux de satin, Suzanne regardait partir sa visiteuse, ombre vacillante des malheurs trop connus. et toute son angoisse, son indignation se fondèrent en ce cri. Ah, les salauds, les cochons d'hommes. À garde, les mains tendues, Valentine Clément avait pris au hasard un bouton de porte. Elle murmura « Adieu » et, d'un mouvement brusque, ouvrit pour s'enfuir. Mais elle recula, éblouie, effarée, comme prise d'un vertige. La large porte, sous sa poussée, venait de s'ouvrir. Dans un élégant et somptueux décor de marbre, de tentures et de fleurs, des hommes pressés, debout, les bras levés en des envolements de triomphe apparaissaient. Et une clameur enivrée, où couvaient des désirs inapaisés, montait, débordait, rejetant la lamentable épave. « Noël ! Noël ! Suzanne ! Vive Suzanne d'Amour, la reine de Paris !» Celle-ci avait bondi vers Valentine, criant « Par ici, ma petite, par ici !» Elle la guidait rapidement vers la porte de sortie, se secouant, faisant flamboyer l'or fauve de sa chevelure et ramassant ses jupes pour courir au jardin d'hiver. « Oh, et puis zut » conclut-elle. « Me voici, mes enfants. Après nous, la fin du monde !» Sur le trottoir, la fille mère s'enfuyait, vacillante, avec dans ses yeux affolés l'étincelante vision du merveilleux décor, dans les oreilles, le tintement continu des acclamations qui la poursuivaient et, dominant tout, ce mot qui lui taraudait la cervelle. Ah, les salauds, les cochons d'hommes !